Fragment sonore numéro 2. Pas avec lui, oh, oh. Des bourrins, ils sont en train de courir encore. Il y a des gosses, ils sont sous la, sous le pont souvent. À côté de lui, ils sont sous le pont. Tu devrais jouer ce qui s'était marqué là. Oui, je l'ai dit. Hein. C'est quoi qui est sorti? 21, il est sorti. 8, 9, 4. Ouais, il a payé. C'était pas encore aujourd'hui. Encore le 8. Il a trop osé, il fait jouer. Encore le 8. C'est même parce que c'est un... Encore le 8. Qu'est-ce qu'il lâche? C'est quoi qui est sorti aujourd'hui? Lui, il parle de hier. Je te jure, je connais rien, je gagne. T'avais juste à repérer le numéro et c'était marqué en gros plan. Mais ça m'intéresse pas les favoris pour gagner 80 000 balles, ça vaut pas le coup.